Chapitre 52e, Retrouvailles. C'est sur cette phrase peu amène qu'Austin Manny fit la connaissance de sa mère. Il se fit la réflexion que malgré les années passées, il l'aurait reconnue entre mille. Certes, même si elle était encore jeune, elle avait déjà l'air d'une vieille femme usée par la vie. Cependant, il y avait quelque chose, une forme de ténacité, qui ne trompait pas. Austin Manny se dit immédiatement que sa mère devait avoir la tête au moins aussi dure que lui, voire plus. « J'imagine que tu es venu voir tes sœurs ?»« Oui, » répondit Austin Manny avec un calme qu'il était bien loin de ressentir. Sa mère le considéra soudain avec attention comme si elle consentait enfin à le regarder. « Tu lui ressembles ?» déclara-t-elle avec une fierté sur laquelle il n'y avait pas à se méprendre. « À qui ?» n'en demanda pas moins Austin Manny. « À ton père ?» répliqua sa mère sèchement. « À qui voudrais-tu d'autre ? Il était juste un peu plus grand, mais toi, tu es plus fin. Tu as sa façon de parler et surtout, tu as hérité de son calme. C'est bien ça. En fait, c'est exactement ce que je souhaitais. Moi, je m'enflamme pour un rien, mais ton père, il savait réfléchir. Tu as le nez bien droit et tes dents sont belles, pas comme celles des gens du bled. Cependant, ne te fais pas d'illusions, ils ne voudront pas de toi. Pour eux, tu seras toujours un étranger. Un Français. Et ici, ce n'est pas la meilleure des cartes de visite. » Austin Manny considéra sa mère avec calme. « Je crois effectivement l'avoir déjà compris. Mais toi, que veux-tu ? Que veux-tu qu'une mère veuille pour son fils ? Je n'ai toujours voulu que le meilleur. C'est pour ça que j'ai préféré te voir partir loin de moi. Je voulais tellement que tu aies une vie plus facile, une vie qui ne s'écroule pas à la moindre coulée de boue. Tu as réussi, maman. Je suis devenu avocat. Bien sûr, je débute, mais j'aurai vite ma clientèle. Le travail ne me fait pas peur et j'ai déjà noué des contacts ici. » Ibtissem Manny semblait tomber des nues. Comment son fils ? Alors tu veux vraiment rester pour de bon ? Tu sais, il est encore temps de reprendre un bateau dans l'autre sens. L'oncle ? Non, maman, c'est impossible. Tu ne te comprends pas. Comment peux-tu renoncer à un salaire qui serait sans doute 20 fois plus important qu'ici ? Je m'en moque, maman. Je voulais rentrer, c'est tout. « Je ne suis pas fait pour le froid et le gris. » L'oncle intervint pour la première fois dans la conversation. « Tu vas travailler pour qui ?»« Je suis embauché dans le cabinet du docteur El Hassim, mais ce n'est qu'un début. »« Rachid El Hassim ?» dit l'oncle avec un soupçon d'admiration dans la voix. « On peut dire que tu ne manques pas d'ambition. Il a déjà une solide réputation sur la place. Mon ami Mokhtar Hussein m'en dit le plus grand bien, mais fais attention. On le dit aussi exigeant que généreux. » « Quand commences-tu ? Dans quelques jours, le temps de m'installer. Je prends un appartement. »« Un appartement, comme tu y vas ? » s'écria l'oncle. « On voit bien que tu arrives de France, toi. Tu ne doutes de rien. Tu ferais mieux de prendre une chambre chez Youssouf ou chez Mehmet. C'est là que je descends quelquefois. C'est propre et ce n'est pas cher. »« Arrête !» intervint la mère. « Tu ne vois donc pas que tu gaspilles ta salive, vieux bouc ? De toute façon, on ne t'a pas demandé de payer. » « Laisse-le faire ses expériences, c'est de son âge. Il sera toujours temps d'aviser si tout ne se passe pas comme il le souhaite. »« Viens, » dit-elle à Austin en lui prenant le bras et en lui adressant pour la première fois un sourire. « Je t'emmène voir tes sœurs. Elles seront heureuses de te connaître enfin. Tu n'as besoin de rien, l'oncle ?»« Quand bien même, va. J'ai bien compris que ce n'est pas mon jour. »« De quoi te plains-tu ? Je viendrai tout à l'heure faire chauffer le couscous. » Austin Manny et sa mère gagnèrent rapidement la maison. Elle n'eut même pas le temps de frapper. Austin était littéralement happé par 4 bras et des you-you de joie. Là au moins il n'y avait pas à s'y tromper, il était attendu. Ce furent de longues caresses et de grandes embrassades avant que Austin Manny ne découvre le visage de ses sœurs, qui ressemblaient énormément à la mère. Seule différence, l'une comme l'autre avait le visage plus ouvert et le sourire généreux. Austin Manny constata rapidement qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose dans la maison, et il en eut le cœur serré. La vie ici semblait encore plus dure que tout ce qu'il avait pu imaginer. Il n'y avait quasiment pas de meubles et le peu était vieux et défoncé. Visiblement, l'oncle ne s'était guère mis en frais pour sa nièce et Austin Manny en ressentit soudain une profonde colère. Si jamais il avait eu encore le moindre doute concernant sa décision, le pauvre spectacle offert à ses yeux lui indiquait qu'il avait fait le bon choix. Il devait mettre au plus vite sa mère et ses sœurs à l'abri. Elle devait absolument quitter cette maison infecte. La résignation de ses sœurs lui fendait le cœur. Il les aimait déjà comme s'il ne les avait jamais quittées. Il voulait tout savoir d'elles et de leur vie. Il comprit à cette occasion qu'il ne pourrait souffrir plus longtemps de les savoir loin de lui. Il y avait tant de temps à combler. Trouver l'appartement qui convenait s'avéra finalement plus simple que prévu. Le docteur El Hassim, plus que satisfait de sa nouvelle recrue, avait fait jouer ses relations et aussi une manie avait pu s'installer dans un immeuble tout neuf. L'appartement au dernier étage était spacieux et la terrasse se révélait déjà très agréable. Comme il l'avait secrètement escompté, ses sœurs ne tardèrent pas à le rejoindre. Ce fut la plus jeune, Dounia, qui prit l'initiative. Un soir, comme il était trop tard pour rentrer au bled, elle lui avait timidement demandé si elle pouvait dormir à l'appartement, ce à quoi Osinmani avait consenti avec le plus grand plaisir. Ils parlèrent très tard, trop heureux au fond de se retrouver en tête à tête. Dounia fit la cuisine, une spécialité du bled, que Osin trouva succulente. Jamais encore il ne s'était senti aussi heureux. Du coup, il ne fut pas long à demander à sa sœur de venir s'installer définitivement avec lui. Dounia protesta bien, arguant du fait qu'elle risquait bien de plus l'encombrer qu'autre chose, mais aussi ne voulut pas en démordre. Il voulait ses sœurs auprès de lui. Dounia rassembla alors ses pauvres effets, suivie de près par Fatia qui en avait marre d'essuyer les rebuffades de l'oncle jour après jour. Les deux femmes se firent d'autant plus rapidement à la vie d'Alger qu'elles purent renouer avec d'anciennes filles du bled. De nouveaux effets furent achetés, Dounia prit des cours pour apprendre à lire. La vie s'écoulait paisiblement quand la mère débarqua à son tour un beau matin. Elle avait planté là l'oncle et son avarice sordide. Osinmani l'accueillit à bras ouverts. Il se sentait désormais parfaitement à sa place dans son rôle de chef de famille. Peu à peu, la mère lui délégua toute l'autorité. Osinmani réalisa alors combien elle était fatiguée par les efforts demandés, année après année, sans la moindre récompense. Il comprit combien elle avait besoin de repos et que l'on prenne enfin soin d'elle. Il n'avait aucun mal à imaginer ce qu'avait dû être son existence, et plus que jamais il en voulait à Latifa de l'avoir emmenée en France, alors même que sa mère aurait-on eu besoin de ses bras d'homme. Il en voulait aussi beaucoup à l'oncle d'avoir si odieusement profité de la situation, ainsi qu'aux cousins et aux cousines, qui s'étaient surtout bien gardés d'intervenir. Tous avaient détruit cette femme. Certes, elle demeurait fière, mais tout n'était que façade. Il se jura que pour attraper les années bêtement perdues, il allait lui offrir une existence de miel, afin d'apaiser un peu son corps meurtri par les mauvais travaux. Il aimait cette famille dont il était enfin le centre. Chaque jour, il trouvait mille attentions de ses sœurs. Elles avaient si peur qu'il manque de quelque chose. Quand il rentrait le soir, leur pas était prêt et n'attendait plus que lui. Rien ne lui faisait plus plaisir que lorsqu'elles racontaient leur journée. Il se sentait enfin utile dans ce cercle recomposé. Il était presque heureux, et parfois, quand enfin il arrivait à se détendre, il parvenait à oublier un peu.